السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قبل أسبوع أو أسبوعين سألتكم عن سورة الكافرون وذكرنا بأن سورة الإسراء تلقب بسورة بني إسرائيل، والنحل بسورة النعم، أما سورة الكافرون فلم نذكر الجواب. Il y a de cela quelques semaines, on avait mentionné certains surnoms des sourates du Coran, comme Al-Isra, Al-Ikhlas, Al-Nahl. Et nous n'avions pas donné la réponse concernant ou quant à Suratu Al-Kafirun. Qui a trouvé les surnoms de cette sourate? Naam. Le désaveu. Et en arabe. Les surnoms en arabe de Suratu Al-Kafirun. Al-Ibada. Ahsant. Un des surnoms de Suratu Al-Kafirun, Al-Ibada. Qui a autre chose? Ad-Din. Naam. Deux autres. Andaman. Al-Ikhlas. Et jusqu'à présent, je n'ai pas mentionné ce que je voulais vous mentionner. Et cette faïda, vous la prenez de Cheikh Abdelrazak al-Badr. Cette faïda, vous la prenez de Cheikh Abdelrazak al-Badr dans l'une de ses conférences. Elle est surnommée Al-Muqashqisha. Al-Muqashqisha. Et le sens, c'est-à-dire qu'elle te préserve du shirk, elle t'en éloigne. Ainsi, celui qui récite cette sourate et concrétise ses sens sera prémuni du shirk. Sera prémuni du shirk. ونرجع إلى درسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أسماء الله الحسنى الكفيل والوكيل. L'auteur, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, حفظه الله تعالى, nous dit: il y a également parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Wakil, ainsi que al, ou plutôt avant ça al-Kafil et al-Wakil. Al-Kafil ainsi que al-Wakil. قال الله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والكفيل معناه القائم بأمور الخلائق المتكفل بأقواتهم وأرزاقهم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قيل أي شهيدا، وقيل حافظا، وقيل ضامنا. هذا ومن صدق مع الله بذلك ورضي به سبحانه كفيلا أعانه على الوفاء ويسر له الأمر من حيث لا يحتسب. Dans sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et soyez fidèles au pacte d'Allah. Ne rompez pas Naam. Et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Donc, Al-Kafil, ici, ils traduisent par le garant. Et on expliquera le sens, Inch'Allah. Dans Sourate Ali Imran, cela accrut, augmenta leur foi et ils dirent, Allah nous suffit. Il est notre meilleur garant. Al-kafil ma'anahu al-qa'imu bi-umur al-khala'iq al-mutakaffilu bi-aqwatihim wa arzaqihim. Al-kafil signifie donc celui qui s'occupe des affaires des créatures, se porte garant de leur nourriture et de leur subsistance. Al-kafil, c'est celui qui s'occupe des affaires des créatures. Le garant de leur nourriture et de leur subsistance. Et dans Sourate An-Nahl, le verset 91, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction du verset, soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté, ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Il fut dit que le sens de kafilan était shahidan, témoin. D'autres encore ont dit hafidan et d'autres ont dit daminan, garant. Et celui qui est véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui est satisfait d'avoir Allah pour garant, Allah l'aidera à s'acquitter de ses devoirs et à tenir ses engagements. Et lui facilitera l'ensemble de ses affaires d'où il ne s'y attendait pas. Wa rawa al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi an Abi Hurayrah radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu dhakara rajulan min bani Israila sa'ala ba'dha bani Israila yuslifahu alfa dinar faqala atini bi shuhada ushiduhum faqala kafa billahi shahida. قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها إلي على أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala rapporte qu'Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il mentionna un homme de Banu Israël qui a demandé à un autre de lui prêter 1000 dinars. Lui prêter 1000 dinars. Alors l'homme lui a dit, viens à moi avec les témoins. Il lui répondit, Allah nous suffit comme témoin. Puis il lui dit, viens à moi avec les garants. Il lui dit, Allah nous suffit comme garant. L'homme lui a dit, sadaqt, tu as dit vrai. Alors il lui a passé les 1000 dinars jusqu'à un terme déterminé, qu'il lui prête jusqu'à telle date. L'homme qui a emprunté l'argent a pris la mer, a traversé la mer et a assouvi ses besoins avec cet argent. Lorsque la date définie arriva, il ne trouva pas de moyen de transport pour retourner sur cette terre afin de rendre l'argent emprunté. فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. Qu'est-ce qu'il a fait ne trouvant pas de moyen de transport? Il a pris du bois, il l'a mis en forme et a mis, donc comme pour faire une boîte, et il a mis les 1000 dinars à l'intérieur, ainsi qu'une feuille destiné à celui qui lui avait prêté l'argent. ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم إني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعك وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهي في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. Donc au final, l'homme a mis cet argent dans une boîte avec une lettre adressée à cette personne et il s'est dirigé vers la mer. Il s'est dirigé vers la mer et a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes. Ô Allah, tu sais bien que j'ai emprunté 1000 dinars à tel homme. Et il m'a demandé un garant. Il m'a demandé un garant. Et je lui ai répondu, Allah suffit comme garant. Et il a été satisfait de toi. Il t'a agréé en tant que garant. Puis il m'a demandé un témoin. J'ai répondu, Allah suffit comme témoin. Et il t'a agréé comme témoin. Et j'ai fait tout mon possible afin de trouver un bateau ou bien un moyen de transport pour l'atteindre, mais en vain. Je te confie donc ce dépôt. Et il a jeté à la mer cette boîte. Il a jeté à la mer cette boîte avec les 1000 dinars. Regardez, subhanallah, la dette et la notion de amana qu'avait cet homme-là. Arrivé au temps déterminé, il n'a pas supporté de ne pas rembourser la personne. Il a donc invoqué Allah Azza wa Jal, jeté cela à la mer et espéré qu'Allah Azza wa Jal fasse parvenir cette amana. Ces 1000 dinars ont vogué sur la mer. Puis il est parti et il a continué à chercher un moyen de transport pour traverser la mer et rejoindre cette terre. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله. L'homme sortait à la mer en espérant qu'un bateau arrive pour lui remettre sa amana, pour lui remettre son argent. فإذا بالخشبة التي فيها المال. C'est alors qu'apparut le bois contenant son argent. فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالِ وَالصَّحِيفَةِ. Il a pris ce bout de bois, il est rentré chez lui. Et lorsqu'il a ouvert cette boîte, il a trouvé son argent et l'écrit. Il a trouvé son argent et la feuille. ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ سَلَفَهُ فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِينَارٍ. Plus tard, ou juste après, est arrivé, ou bien ensuite est arrivé l'homme qui a envoyé l'argent avec 1000 dinars dans sa main. Vous avez compris? Il est quand même venu, il a quand même continué à chercher jusqu'à trouver le moyen de transport. Il a traversé la mer et il est venu avec les 1000 dinars. فَقَالَ وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِآتِيكَ بِمَالِكَ. فوجدت مركبا قبل الذي أوتيت فيه أو أتيت فيه. Il l'a vu et il lui a dit, je jure par Allah que je n'ai cessé de fournir des efforts pour trouver un moyen de transport afin de te rencontrer, de venir à toi et de te remettre ton argent. Mais je n'ai pas trouvé de moyen de transport si ce n'est celui avec lequel je suis venu. قال هل كنت بعثت إلي بشيء. L'homme lui a dit, est-ce qu'auparavant tu m'as envoyé quelque chose? قال أخبرك أني لم أجد مركبا. Il lui a dit, je te dis que je n'ai pas trouvé de moyen de transport pour venir te voir si ce n'est aujourd'hui. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدا. L'homme lui a dit, sache qu'Allah s'est acquitté de ta dette. Sache qu'Allah s'est acquitté à ta place de ta dette. Et j'ai trouvé ce qui m'a été envoyé dans yani, la boîte en bois. Donc pars. Ou plutôt, na'am. Soit il est alors parti avec les 1000 dinars, soit part donc avec les 1000 dinars. On voit ici qu'Allah Azza wa Jalla est le garant de toutes choses. Wal wakil. Donc ça c'était pour al-kafil. Et al-wakil, ma'anahu al-kafil kafil, wa huwa amun wa khas. Quant au sens du nom d'Allah Azza wa Jalla, al-wakil, il a le sens de al-kafi, celui qui suffit à ses serviteurs. Et le sens également d'al-kafil, le garant. Le garant. Donc il y a la notion de suffisance qu'on trouve auprès d'Allah et il y a la notion du garant. Et cela est de deux sortes. Premièrement, général et deuxièmement, particulière. Wa amma al-'am fa yadullu 'alayhi qawluhu ta'ala wa huwa 'ala kulli shay'in wakeel. Wa qawluhu ta'ala وعلى الله أو والله على كل شيء وكيل أي المتكفل بأرزاق جميع المخلوقات وأقواتها القائم بتدبير شؤون الكائنات وتصريف أمورها. Quant au sens général, on le trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal dans sourate Al-An'am et Hud, dont les traductions des sens sont: c'est lui qui a la charge de toutes les créatures. C'est lui qui a la charge de toutes les créatures. Dans l'autre verset, certes Allah est gérant de toutes choses. C'est-à-dire qu'il est le garant de la subsistance de l'ensemble des créatures et de leur nourriture. Celui qui gère et administre l'ensemble des affaires de ces créatures. Ça, c'est le sens général. Le sens particulier, adullu alayhi qawluhu ta'ala, wa tawakkal ala Allah, wa kafa billahi wakila, wa qawlu wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakil, ay ni'mal kafi liman iltaja ilayh, al-hafidh liman i'tasame bih, wa huwa khasun bi'ibadihi al-mu'minin, bihi al-mutawakkilina alayhi. Le sens particulier du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-wakil, on le trouve dans la parole d'Allah azza wa jalla dans sourate An-Nisa, sur la traduction, mais plutôt ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme garant. Et Allah suffit comme garant. Ainsi que dans sourate Ali Imran, ils ont dit « Allah nous suffit et quel bon garant » C'est-à-dire il suffit parfaitement à celui qui se dirige vers lui. Il protège et préserve parfaitement celui qui s'accroche à lui. Et ces sens-là sont propres aux serviteurs croyants d'Allah. Croyants en Allah. Ceux qui placent entièrement leur confiance exclusivement en lui. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله بعد أن نقل جملة من أقوال أهل العلم في معنى اسم الله الوكيل والمعاني متقاربة مرجعها إلى شيء واحد وهو أن الوكيل من يتوكل عليه فتفوض الأمور إليه ليأتي بالخير ويدفع الشر وهذا لا يصلح إلا لله أو إلا إلى الله أو إلا لله وحده جل وعلا ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه لأنه لا نافع ولا ضر ولا كافي إلا هو وحده. وحده جل وعلا عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. L'imam al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans son tafsir, après avoir cité les différents avis des gens de science quant à l'explication du nom d'Allah el-Wakil, que les sens se rapprochent les uns des autres, il nous dit le sens commun auquel revient le sens du nom d'Allah azza wa jal el-Wakil est que c'est celui auquel on confie toutes nos affaires, celui en quel on place toute notre confiance et duquel on attend le bien et la préservation du mal, celui duquel provient le bien et par lequel le mal est repoussé. Et ces sens-là, on ne peut les affirmer si ce n'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que on nous met en garde contre le fait de prendre un wakil en dehors d'Allah, un garant auquel on abandonne toutes nos affaires, duquel on espère tout le bien et duquel on espère qu'il nous préserve du mal tout entier. Ceci n'est donné que à Allah subhanahu wa ta'ala, et on nous a mis en garde contre le fait de prendre en dehors d'Allah un wakil, car nul ne peut apporter le bien et toucher du mal ni t'accorder suffisance absolue en dehors d'Allah seul sans associer. C'est en lui que nous plaçons notre confiance, c'est celui qui nous suffit, et quel bon gars. وقد دعا سبحانه عباده الى التوكل عليه وحده وجعل ذلك دليل الايمان. قال تعالى رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وعذا على ذلك عظيم الثواب وحسن المآب. قال تعالى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. وحذر سبحانه من التوكل على سواه. قال تعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا. L'auteur, hafidahullah ta'ala, nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelé ses serviteurs à placer entièrement leur confiance en lui uniquement. Et il en a fait un signe de la foi. Il nous dit dans Suratul Muzammil, le Seigneur du levant et du couchant, il n'y a point de divinité digne d'être adorée à part lui, prenez-le donc comme protecteur. Wa qala ta'ala, et dans Suratul Mulk, et c'est en Allah qu'il vous faut placer votre confiance si vous êtes croyant. Il a promis à ceux qui feront cela l'immense récompense et la bonne fin, la bonne finalité. Dans Surat Ash-Shura, il nous dit, ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et placent leur confiance en leur Seigneur. Tout comme Allah Azza wa Jal nous a averti contre le fait de placer notre confiance en un autre qu'Allah, de compter sur un autre qu'Allah. Dans Surat Al-Isra, ne prenez pas de protecteur en dehors de moi, de garant sur lequel vous comptez en dehors de moi. Wa tawakkulu 'ala Allah wahdahu tafwidu al-umuri kulliha ilayhi wa i'timaduna 'alayhi fi jalbi an-ni'ma wa daf'i ad-darr wal-bala'i maqamun 'azim min maqamat ad-din al-jalila. وفريضة عظيمة من فرائض الله على عباده يجب إخلاصها لله وحده وهو من أجمع أنواع العبادة وهمها وأهمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة والطاعات الكثيرة فإنه إذا اعتمد القلب على الله في الأمور الدينية والدنيوية ثقة به سبحانه بأنه الكفيل الوكيل لا شريك له صح إخلاصه وقويت معاملته مع الله وحسن إسلامه وزاد يقينه وصلحت أحواله كلها. Le fait de placer entièrement sa confiance en Allah uniquement et d'abandonner toutes ses affaires auprès de lui, en comptant pleinement sur lui quant à l'obtention des bienfaits et à la préservation et repoussement du mal et des nuisances, Cette action-là qu'on appelle tawakkul ala Allah fait partie des stations les plus élogieuses, des plus grandes dans la religion. C'est une obligation qu'Allah Azza wa Jalla a imposée à ses serviteurs, une obligation immense. Nous avons donc l'obligation de nous montrer sincères dans cette adoration, comme ça doit être le cas dans l'ensemble des adorations avec lesquelles on adore Allah. Et ça fait partie des adorations et réunissant le plus de formes de servitude. C'est une des adorations les plus importantes, de par la multitude d'adorations qui en découlent, par la multitude de biens, d'obéissance et de bienfaits qui en découlent. Car si le cœur compte pleinement sur Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses rapports avec ce bas monde et ses rapports avec la religion, en ayant pleinement confiance en lui, qu'il nous suffit, qu'il est le garant seul sans associé, à ce moment-là, sa sincérité sera pure, sera authentique. À ce moment-là, son lien avec Allah sera solide. À ce moment-là, son islam sera bon. Sa certitude va augmenter et toutes ses affaires seront réformées. فالتوكل الأصل لجميع مقامات الدين. Ainsi, placer sa confiance en Allah Azza wa Jal est la base de toutes les stations de la religion. منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس. La place du tawakkul dans la religion est semblable à la place de la tête par rapport au corps. فكذلك لا يقوم الإيمان مقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. C'est ainsi que la foi et ses différentes stations ne peuvent se lever si ce n'est sur le tronc du tawakkul. وحقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه ورضا بما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه أموره مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها ففي التوكل جمع بين أصلين اعتماد القلب على الله وحده لا شريك له مع فعل الأسباب المأمور بها والقيام بها دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور به أو سلوك طريق غير مشروع وقد جمع بين هذين الأصلين في نصوص كثيرة كقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وقوله إياك نعبد وإياك نستعين وقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله والنصوص في هذا المعنى كثيرة. La réalité du tawakkul, de cette adoration, est que c'est une action du cœur et une servitude qui consiste à compter pleinement sur Allah, en ayant réellement confiance en lui lorsqu'on se dirige vers lui, en étant pleinement satisfait de ce qu'il va décréter. Pourquoi ? Parce que le serviteur a la connaissance de la toute suffisance d'Allah Azza wa Jal à son égard. Car le serviteur a pleinement connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit parfaitement et qu'il va choisir pour lui, s'il lui abandonne toute son affaire, ce qui est le mieux pour lui. Ça, c'est tawakkul. Rentre également dans tawakkul le fait de faire les causes qui nous ont été permises ou ordonnées, et de faire les efforts quant à l'obtention de ce que nous recherchons. Ainsi, dans tawakkul, il y a deux grandes bases. La première, c'est compter pleinement avec son cœur sur Allah seul sans associer, en faisant les causes, et faire les causes. Et faire les causes permises, afin d'obtenir ce qu'on recherche. Le tout sans transgresser les limites permises. Le tout sans emprunter un chemin non légiféré. Et ces deux bases ont été unies dans de nombreux textes religieux. Comme dans Sourate Hud, Al-Fatiha, Fa'abuduhu wa tawakkal alayhi. Adore-le donc et compte sur lui. Adore-le donc et compte sur lui. On mentionne la servitude et on mentionne le fait de compter sur Allah. Et ça comprend également le fait de faire les causes. Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Là, c'est la servitude, l'adoration. Wa iyyaka nasta'in, auprès de toi que nous cherchons l'aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sois motivé, fais des efforts dans ce qui t'est profitable et cherche l'aide auprès d'Allah. Donc tu comptes pleinement sur Allah et tu fais les causes. Tu comptes pleinement sur Allah tout en faisant les causes. وَالتَّوَكُّلُ مُصَاحِبٌ لِلْمُؤْمِنِ الصَّادِقِ فِي أُمُورِ كُلِّهَا الدِّينِيَ وَالدُّنْيَاوِيَ. Retenez cette règle. التَّوَكُّل doit accompagner le croyant véridique dans toutes ses affaires, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient mondaines. فَهُوَ مُصَاحِبٌ لَهُ فِي صَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَحَجِّهِ وَبِرِّهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِ دِينِهِ. التَّوَكُّل, il compte sur Allah, il abandonne son affaire à Allah pour la prière, pour le jeûne, pour le pèlerinage, pour la bienfaisance et dans d'autres choses parmi les choses de la religion. وَمُصَاحِبٌ لَهُ فِي جَلْبِهِ لِلْرِزْقِ وَطَلَبِهِ لِلْمُبَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِ دُنْيَا. Mais ça l'accompagne également lorsqu'il recherche la subsistance et lorsqu'il recherche les choses permises et d'autres choses licites dans sa religion, dans son bas monde. فَهُوَ نَوْعَانِ توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه وتوكل عليه في حصول ما يحب ويرضاه من الإيمان واليقين والصلاة والصيام والحج والجهاد والدعوة وغير ذلك. La personne abandonne son affaire à Allah et compte pleinement sur Allah dans toutes ses affaires, que ce soit pour assouvir ses besoins dans ce bas monde et repousser ce qu'il redoute dans ce bas monde et les malheurs, mais également pour rechercher ce qu'il aime et qu'il agrée dans tout ce qui est en rapport avec la foi et la certitude, comme la prière et le jeûne. ولذا روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيتي فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فيتنحى عنه الشيطان فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. C'est pour cela que l'imam Abu Dawud et Tirmidhi rahmatullahi alayhi nous rapportent que Anas ibn Malik radiallahu anhu rapporte du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette parole: lorsque l'homme sort de chez lui en disant Bismillah, au nom d'Allah, tawakkaltu ala Allah, j'abandonne mon affaire à Allah, je compte sur Allah, j'ai confiance en Allah, je place ma confiance en Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force pour passer d'un état à un autre si ce n'est par Allah. Il lui est alors dit, tu as été guidé, suffit et préservé. Le diable s'éloigne de lui et dit à un autre diable, que pourrais-tu faire contre un homme qui a été guidé, suffi et préservé? وفي هذا دليل بين على عظيم افتقار العبد إلى كفاية الله وهداية ووقايته وأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين بأن يكون له حافظا مؤيدا مسددا وهاديا. Et dans cela il y a une preuve évidente quant au grand besoin du serviteur devant la suffisance, la guider et la préservation accordée par Allah. Ça nous montre également d'une manière très claire que le serviteur ne peut se passer d'Allah, son Seigneur, ni même ou ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Il ne peut se passer d'Allah Azza wa Jal, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Il a besoin de lui pour être protégé, pour être assisté, pour être guidé et dans toutes ses affaires. Wallahu wahdahu al-musta'an wa alayhi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bih wal marju'u min wahdahu an yuwaffiqana ajma'in li husni at-tawakkul alayh. Et c'est auprès d'Allah uniquement que nous recherchons de l'aide et en lui, auprès de lui que nous abandonnons toutes nos affaires. Et il n'y a de force pour passer d'un état à un autre si ce n'est par lui. C'est de lui qu'on espère uniquement qu'il nous accorde la réussite à tous, afin de réussir à pleinement abandonner notre affaire à lui, avoir confiance en lui. Par la même occasion, j'attire votre attention sur une expression qui n'est pas, qu'on ne doit pas dire, à savoir tawakkaltu ala Allah thumma alayk, ou tawakkaltu ala Allah wa alayk. Il ne faut pas dire je compte sur Allah puis sur toi, ni je compte sur Allah et sur toi, parce que ça c'est une action du cœur, et le cœur c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nous pouvons dire hadha bi fadlillah thumma bik, alors que nous pouvons dire sta'anna billah thumma bik. On peut dire on cherche l'aide auprès d'Allah puis auprès de toi. Par la grâce d'Allah, j'ai obtenu cela, puis par ton aide. Tout cela est permis. Par contre, at-tawakkul, c'est un état du cœur. At-tawakkul, c'est une adoration. On ne peut pas dire qu'on donne at-tawakkul à quelqu'un d'autre, même après Allah. On ne dit pas tawakkaltu ala Allah, thumma alayk. Ça, on ne le dit pas. Ainsi, en français, l'expression qui s'en rapproche le plus, même s'il n'en a pas d'équivalent, il n'y en a pas en réalité, il n'y a pas l'équivalent en français devant la richesse de la langue arabe. C'est même pas de par la pauvreté de la langue française, parce que c'est une langue très riche, mais c'est de par l'éloquence de la langue arabe, la force de la langue arabe et la précision de la langue arabe. On ne trouve pas dans d'autres langues en un mot le terme tawakkul. Il n'y a pas en un mot le terme tawakkul, tu ne le trouves pas, comme beaucoup d'autres mots. Mais celui qui se rapproche le plus, c'est le fait de dire je compte sur toi, je compte sur Allah. Donc on ne dira pas je compte sur Allah puis sur toi, je compte sur Allah et sur toi, ou ni même je compte sur toi. On enlève cette parole là. Naam, mais athiqubik, ça on peut le dire, que c'est une personne de confiance, c'est une personne digne. Naam, est-ce que vous avez un autre mot? Ça c'est permis. Et on ne dira pas le terme tawakkul, mais on parlera de wakkaltuk. Je t'ai chargé de faire cela, je t'ai confié cela. Ça aussi on peut le dire. Tout ça pour attirer votre attention sur le terme compter. Ça c'est une action du cœur. On ne compte pas sur la créature. Ne dis pas je compte sur toi. Non, on ne dit pas cela. On compte que sur Allah subhanahu wa ta'ala. I'timad al-qalb, on le donne que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est l'excellence dans at-tawhid. Passons maintenant à deux autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir vu, quel est le premier qu'on a étudié? Al-kafil, puis al-wakil. Passons maintenant au nom d'Allah. Al-ghalib et al-nasir. Al-ghalib et al-nasir. من أسماء الله سبحانه وتعالى الغالب والنصير. Dans la traduction en français ici, je vois qu'ils ont écrit le nom An-Nasir. À ma faible connaissance, c'est An-Nasir. Est-ce qu'il y a également An-Nasir? Si vous avez une preuve de cela, faites-m'en part, ou une parole d'un savant sur cela, faites-m'en part, afin qu'on se partage cette faïda. Sinon, le nom d'Allah, connu et prouvé ici, mentionné par le Shir, c'est An-Nasir. Hakada. Wa qad warada ismullahi الغالب في موضع واحد من القرآن. Le nom d'Allah, Al-Ghalib, a été mentionné une seule fois dans le Coran. Dans quelle sourate? Dans quelle sourate? Hein? Dans sourate Yusuf. Dans sourate Yusuf, Allah nous dit Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Qui a une traduction du surat, du verset 21 de surat Yusuf, qui peut me faire profiter. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. ورد اسمه النصير في أربعة مواضع وهي قوله تعالى فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وقوله وكفى بالله نصيرا وقوله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقوله وكفى بربك هاديا ونصيرا. Quant au nom d'Allah, An-Nasir, il a été mentionné à quatre reprises dans le Coran. Dans Sourate Al-Anfal, Al-Nisa, Al-Hajj et Al-Furqan. Les traductions des sens de ces versets, quel excellent maître et quel excellent protecteur. Sachez qu'Allah et s'il tourne le dos, sachez qu'Allah est votre maître. Quel excellent maître et quel excellent protecteur. Dans Sourate An-Nisa, Allah connaît mieux vos ennemis et Allah suffit comme protecteur et Allah suffit comme secoureur. An-Nasir, le secoureur. Dans le Hajj, et attachez-vous fortement à Allah, c'est lui votre maître, quel excellent maître et quel excellent soutien. Dans le Furqan, mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Al-Ghalib, ma'anahu, alladhi yaf'alu ma yasha, la yaghlibuhu shay, wa la ruddu hukmahu raddun. وليملك أحد رد ما قضاه أو منع ما أمضاه. Le sens du nom d'Allah Al-Ghalib signifie celui qui fait ce qu'il veut et que rien ne peut vaincre, personne ne peut repousser son jugement, remettre en cause son décret ou empêcher l'accomplissement de sa décision. Allahu Akbar. Allah c'est Al-Ghalib, celui qui est au-dessus de tout le monde. Il ne peut que vaincre. Al-Ghalib, celui qui ne peut que vaincre, subhanahu wa ta'ala. Il fait ce qu'il veut, et rien ni personne ne peut le vaincre, subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut repousser son jugement. Quand Allah décrète une chose, personne ne peut la repousser. Et personne ne peut remettre en cause son décret. Tout comme personne ne peut empêcher l'accomplissement d'une décision qu'il a décidée, tabaraka wa ta'ala. قال القرطبي رحمه الله فيجب على كل مكلف ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الغالب على الاطلاق فمن تمسك به فهو الغالب. ولو أن جميع من في الأرض طالب. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ومن أعرض عن الله تعالى وتمسك بغيره كان مغلوبا وفي حبائل الشيطان مقلوبا. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى explique: tout être responsable est tenu de savoir qu'Allah est celui qui domine de manière absolue. Celui qui domine de manière absolue. Celui qui s'attache à lui vaincra, même si tous les habitants de la terre se liguaient contre lui. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal est celui qui domine de manière absolue. Ainsi, celui qui veut vaincre, il doit aller vers Allah et chercher cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tout le monde s'unit contre lui et qu'il a avec lui Allah, il vaincra. Tabaraka wa ta'ala. Comme dans Sourate Al-Mujadila, Allah a décrété: je vaincrai moi et mes envoyés. Quant à celui qui se détourne d'Allah et s'accroche à un autre que lui, il sera battu et pris dans les pièges ou dans les filets du shaitan. والنصير, quant au sens du nom d'Allah, النصير معناه الذي تولى نصر عباده وتكفل بتأييد أوليائه. بتأييد أوليائه والدفاع عنهم والنصر لا يكون إلا منه ولا يتحقق إلا بمنه. فالمنصور من نصره الله إذ لا ناصر للعباد سواه ولا حافظ لهم إلا هو. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. وقال تعالى: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Quant au sens du nom d'Allah, al-Nasir, il désigne celui qui se charge de secourir ses serviteurs. Celui qui se charge de secourir ses serviteurs s'engage à soutenir ses alliés et les défendre. La victoire ne vient que de lui et ne se concrétise que par sa grâce. Le victorieux est celui qui reçoit l'assistance d'Allah. Car personne d'autre que lui ne peut venir en aide aux fidèles et nul autre que lui ne peut les protéger. On trouve dans le Coran ces versets dont les traductions sont: la victoire ne peut venir que d'Allah le puissant, le sage. Si Allah vient à votre secours, nul ne pourra vous vaincre. Et s'il vous abandonne, qui donc en dehors de lui pourra vous secourir? Qui donc en dehors du tout miséricordieux pour vous servir d'armée ou vous soutenir? En dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur ni défenseur. Il était de notre devoir de secourir les croyants. Tous ces textes nous montrent quoi? Allah Azza wa Jal est celui qui apporte le secours, le soutien, la défense et la protection à ses serviteurs. Et cette protection ne peut émaner d'un autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وقد ذكر سبحانه في مواضع عديدة من القرآن الكريم منته على أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد. Et on trouve que dans plusieurs endroits du noble Coran, Allah mentionne sa grâce sur ses prophètes et ses serviteurs rapprochés du fait qu'il leur a accordé le secours et l'assistance. قال تعالى: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. قال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وأخبر أنهم لا يطلبون نصرهم إلا منه ولا يلجؤون لنيله إلا إليه. ففي دعاء نوح عليه السلام قال: رب انصرني بما كذبون. وفي دعاء لوط عليه السلام قال: رب انصرني على القوم المفسدين. وفي دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي سنن أبي داود والترمذي رحمة الله عليهم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. فأخبر سبحانه طيب Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans plusieurs endroits du Coran sa grâce sur ses prophètes et les croyants. Il dit certes nous prêtons assistance à nos prophètes et à ceux qui auront cru aussi bien durant leur vie en ce monde qu'au jour où se lèveront les témoins. Dans l'autre verset, toujours selon la traduction, et Allah vous a déjà assisté en maints endroits. Nous avons répandu aussi nos bienfaits sur Moussa et Haroun. Nous les avons sauvés, eux et leur peuple, d'une angoisse extrême. Nous les avons secourus et ils furent, eux, les vainqueurs. Il informe qu'ils ne cherchent secours qu'auprès de lui et qu'ils ne se réfugient qu'en lui pour l'obtenir. Ainsi, Nuh dit dans son invocation « Seigneur, prête-moi ton assistance, ils me traitent d'imposteur. » L'autre adresse à Allah cette supplication. « Seigneur, viens à mon secours contre ces corrupteurs. » Pour leur part, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les croyants invoquèrent en ces termes. « Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. » Et Abu Daoud et Tirmidhi et d'autres, rahmatullahi alayhim, rapportent d'après Anas ibn Malik, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait au combat, il disait, ou le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait, « Ô Allah, c'est toi mon soutien et mon secours. En ton nom je résiste, j'attaque et je combats. » Tous ces textes nous montrent que celui qui cherche le soutien, celui qui cherche à être élevé et préservé, il doit se diriger exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa akhbara subhanahu anna al-kuffara la nasira lahum » قال تعالى فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الله عز وجل informe que celui qui n'a pas l'iman, celui qui n'est pas muslim, celui qui n'a pas de tawhid, il n'a pas de soutien, il n'a pas de secoureur. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, ils n'auront pas de secoureur. Dans ce bas monde et l'au-delà, ils recevront la punition d'Allah et ils n'auront pas de secours. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. Ceux qui ont été injustes ont suivi leurs passions sans science. فما يهدي من أضل الله. فما يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. Qui pourra accorder la guidée à celui qu'Allah a égaré et ils n'auront pas de secoureur. وقال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. Puis dans sourate Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et que de cité était plus fort que la vôtre, celles qui t'ont fait sortir, et nous les avons anéanties, et personne n'a pu les secourir. Personne n'a pu les secourir. Aussi forts soient les gens, aussi forts soient le groupe, aussi forts soient la ville, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghalib. Allah azza wa jal est le vainqueur et le plus fort, tabaraka wa ta'ala. Et il accorde donc assistance, soutien, et donne la réussite et la victoire à ceux qui sont proches de lui. Wa qala ta'ala lil mu'minin, et Allah a dit concernant les croyants: wa law qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyan wa la nasira. Sunnat Allah allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnati Allah tabdila. Donc dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne que celui qui n'a pas l'iman, il n'a pas de secoureur chez Allah. وهو خطاب للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيمان الظاهرة والباطنة بأنهم هم المنصور وأن العاقبة الحميدة لهم في الدنيا والآخرة. Ce texte là s'adresse aux réels croyants, ceux qui ont fait se lever la réalité de la foi sur eux, intérieurement et extérieurement. Allah Azza wa Jalla leur annonce et leur promet qu'ils seront toujours secourus par lui, et ils seront toujours les vainqueurs, et que la bonne finalité leur appartiendra toujours, que ce soit dans ce bas monde ou l'au-delà. وَلِهَذَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ما لم يجاهدوا أنفسهم على تحقيق الإيمان والإتيان بمقومات النصر على الأعداء لا يتحقق لهم النصر أو نصر بل يتسلط عليهم أعداؤهم بسبب ذنوبهم وتقصيرهم. L'auteur nous dit, c'est pour cela qu'il faut absolument que les croyants fassent un effort sur leur propre personne afin de concrétiser la foi. Ainsi, les étapes du secours émanant d'Allah se réaliseront sur eux contre leurs ennemis. Allah Azza wa Jalla leur accordera le secours. À quelles conditions? Qu'ils concrétisent la foi. Qu'ils concrétisent la foi. Dans le cas contraire, s'ils restent dans les péchés et s'ils n'obéissent pas à Allah, ben surtout, ils seront toujours faibles devant ceux qui leur veulent du mal. Et à chaque fois que le croyant est affaibli, Ibn Taymiyyah nous dit, c'est à cause de sa faiblesse de foi et des péchés qu'il a commis. ثُمَّ إِذَا تَابُوا بِتَكْمِيلِ إِيمَانِهِمْ نَصَرَهُمُ اللَّهِ. Par contre, s'ils se repentent et complètent leur foi, Allah Azza wa Jalla leur accorde son secours. كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Ne faiblissez pas, ne vous attristez pas, et vous serez les plus hauts si vous êtes croyants. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. Dans Sourate Ali Imran, ayant subi un revers pour la première fois après en avoir infligé le double à vos ennemis, vous dites, comment avons-nous pu mériter cette disgrâce? Dis-leur, vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Dire tout le mal qu'on subit, c'est à cause de nos imperfections, à cause de nos faiblesses. Fayahtaju العباد لانتصار العدو الظاهر أن يجاهد العدو الباطن من النفس الأمارة بالسوء والشيطان. Une grande leçon. Celui qui souhaite être secouru contre son ennemi apparent, il doit d'abord faire un effort pour combattre son ennemi intérieur, c'est-à-dire lui-même, son âme qui l'appelle au péché, son âme qui l'appelle au mal, le diable et autres. Si tu ne veux pas être avili par ton ennemi, tu dois combattre en premier lieu ta personne. Comment est-ce qu'on combat notre propre personne? On combat notre propre personne en lui désobéissant lorsqu'elle nous appelle à désobéir à Allah. On combat notre propre personne en ne suivant pas les pas du shaitan et ses insufflations. On combat notre propre personne en apprenant notre religion. On combat notre propre personne en imposant à notre âme d'appliquer notre religion qu'on a étudiée. On combat notre personne en propageant cette vérité qu'on a su et qu'on a appliquée. Et finalement, on combat notre personne en se montrant endurant devant les répercussions qu'aura tout cela. Et ces quatre étapes sont mentionnées dans Sourate Al-Asr, lorsqu'Allah nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wal-Asr, inna l'insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa aminu s-salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Le grand savant Shu'bayd Al-Jabiri, habidahullahu ta'ala, dit dans une de ses conférences, si mes souvenirs sont bons, que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala mentionne que les efforts contre notre propre âme sont de 4 degrés. Il mentionne la science, la mise en pratique de la science, la propagation de cela et l'endurance. Et la preuve, c'est sourate Al-Asr où il y a les 4 points mentionnés. Donc celui qui espère le secours et ne pas être avili par son ennemi, il doit se corriger lui-même d'abord dans sa relation entre lui et Allah Azza wa Jal. Et s'il fait cela, Allah Azza wa Jal le préservera. Dans sourate Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. À la fin de sourate Al-Ankabut, Allah nous dit: celui qui fait des efforts vers nous, nous les guiderons vers nos sentiers. Et certes, Allah est avec les bienfaisants. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nous dit qu'Allah a rattaché la guidée aux efforts. Donc plus la personne fera des efforts, plus Allah lui accordera la guidée. Et l'effort le plus obligatoire, il nous dit, c'est jihad ou nafs. C'est le fait de faire un effort contre notre propre âme. Wa jihad al-hawa, de faire un effort contre nos passions. Wa jihad al-shaytan, de faire un effort contre le diable. Wa jihad al-dunya, de faire un effort contre ce bas monde. Celui qui concrétise ces 4 efforts, hadahullahu subula ridahu al-musila ila jannati. Celui qui concrétise ces quatre efforts, Allah lui accordera la guidée vers son agrément, qui lui permettra d'emprunter le chemin qui mène à son paradis. Quant à celui qui délaisse ses efforts, il perdra de la guidée proportionnellement à ce qu'il aura délaissé. وقال رحمه الله فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليه من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم. Écoutez bien. Plus la foi du serviteur diminue, plus son ennemi aura de l'emprise sur lui en fonction de ce qu'il aura délaissé comme foi, comme iman. قال رحمه الله فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليه من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوه من طاعة الله تعالى فالمؤمن عزيز عال مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان ولو اجتمع عليه من أقطارها فإذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطنا قد قال تعالى للمؤمنين فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله يحفظهم بها ولا يفردها عنهم واقطعها عنهم فيطلبها عليهم كما يتر الكافرين والمنافقين أعمالهم إذا كانت لغيره ولم تكن موافقة لأمره. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans son livre Ighathatul Lahfan si la foi décroît, diminue, son ennemi aura sur lui une emprise correspondante à la diminution de cette foi. En fait, il lui a donné cette possibilité parce qu'il a cessé en partie d'obéir à Allah le Très-Haut. Plus tu désobéis à Allah, plus tu délaisses les ordres d'Allah, plus tu armes ton ennemi contre toi. Plus tu armes ton ennemi contre toi. Tu ne peux te préserver d'une meilleure manière que d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. D'avoir Allah comme Nasir. Parce que Allah c'est le Ghalib subhanahu. Si tu lui obéis, il va te protéger, il va te préserver. Le croyant est puissant, dominant, soutenu, assisté, pris en charge et défendu par l'essence, où qu'il soit. Ça c'est la place du croyant, il est aziz, il est karim à Allah. Ça c'est la place du croyant, ce qu'Allah veut, c'est que tu aies cette place-là. Il t'a donné cette place-là. Mais nous, avec nos péchés, on tombe de cette place-là. Le croyant est puissant, dominant, soutenu, assisté, pris en charge et défendu par l'essence. Où qu'il soit, par l'essence, où qu'il soit, quand bien même tous les habitants de la terre se ligueraient contre lui, il est tenu pour cela de réaliser pleinement la foi et de s'acquitter de ses obligations. Voici la condition. Concrétiser l'iman et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tant en secret qu'en public. Et dans le verset, ne soyez pas pusillanimes ou pusillanimes en offrant la paix à l'ennemi quand vous êtes les plus forts et que Allah est avec vous. Allah ne vous frustrera jamais du fruit de vos œuvres. Cette garantie n'est que le résultat de leur foi et de leurs œuvres, lesquelles représentent l'une des forces d'Allah pour les protéger. Il ne les sépare, ni ne les coupe d'eux, ni ne les prive de leurs avantages. Contrairement à ceux qui ont fait du shirk ou du kufr, ils ont donné les adorations à autre qu'Allah Azza wa Jal, ils n'ont pas concrétisé la foi, Allah Azza wa Jal les abandonne. L'auteur finit en disant هذا ونسأل الله الكريم أن يصلح أحوال المسلمين ويقيهم شر أعدائهم ويحفظ على المسلمين أمنهم وإيمانهم ويكفي وأن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ويعز دينه ويعلي كلمته وينصرنا على القوم الكافرين والله عز وجل حافظ لمن التجأ إليه وكاف من اعتصم به فنعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. L'auteur invoque Allah Azza wa Jal afin qu'il améliore la situation et la condition des musulmans et qu'il repousse d'eux le mal que tentent de leur faire leurs ennemis, qu'il leur accorde la paix, qu'il les préserve dans leur foi et qu'il les mette à l'abri de tous ceux qui leur cherchent qui cherchent à leur causer du tort. Allah est encore plus fort et plus dur en châtiment. Qu'il octroie la puissance à sa religion et qu'il fasse triompher sa parole. Certes, Allah accorde l'asile à celui qui se réfugie en lui et suffit à celui qui s'accroche à lui. Quel grand allié et quel précieux soutien. As'al Allah subhanahu wa ta'ala wa fiqana ila kulli khayr wa yarfa'anna al-bala wa yansura ikhwanana في كل مكان إنه هو الغالب الوكيل جل وعلا سبحانه وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وحسبنا الله ونعم الوكيل. Semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, nous étudierons ou nous commencerons par l'étude des noms d'Allah, Al-Aziz et Al-Jabbar. Al-Aziz a trois sens, cherchez-les pour la semaine prochaine. Certains savants ont ajouté un quatrième sens. Al-Jabbar en a plusieurs, cherchez-les pour la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, wa barakallahu fikum. Durant la khutbah, lorsque j'ai mentionné l'histoire d'Omar al-Khattab et des compagnons lorsqu'il y a eu la peste, j'ai dit que le compagnon qui est arrivé pour transmettre le hadith du prophète sallam sur la peste était Abu Ubaïda. Et ceci était une erreur de ma part, wa astaghfirullah wa atubu ilayh. C'était Abdurrahman ibn Auf. C'était, si je ne me trompe pas, Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhum. Naam, Abdurrahman ibn Auf.